parler de la Véloroute des Bleuets. Ça a sorti la semaine passée dans le Progrès dimanche, en fait dimanche dernier. Baisse d'achalandage de la Véloroute des Bleuets. Évidemment, comme un peu tout le monde, on blâme Dame Nature. Pour en parler, on rejoint le directeur de la corporation, David Lapointe. Bonjour, David. Bonjour. David, effectivement, comme la plupart, on a fait pas mal de bilans cette année, des bilans des clubs de golf. Baisse d'achalandage, et évidemment, on blâme Dame Nature. Même chose, j'imagine, du côté de la Véloroute des Bleuets. Ben, tout à fait. Il faut savoir que 50% de nos utilisateurs sont des utilisateurs du lac Saint-Jean. Donc, quand il fait pas beau, ben, ils reportent leur sortie ou ils l'annulent. Donc, du mois de mai à fin juillet, on a eu une température assez maussade. Les gens qui n'ont pas utilisé la Véloroute à ce moment-là, ben, ça se rattrape pas malgré un beau temps au mois d'août et au mois de septembre. La bonne nouvelle, néanmoins, c'est que les touristes qui, eux, planifient leur séjour longtemps à l'avance, ben, ont été bien présents sur la Véloroute. On a, de ce côté-là, une augmentation qu'on peut mesurer grâce aux ventes dans nos maisons du vélo, puis grâce au nombre de forfaits qui ont été vendus par la compagnie Equinox. OK. Les clubs de golf, ils font ça par ils mesurent le nombre d'achalandages par les parties qu'ils vendent, par les membres, et ainsi de suite. Mais la Véloroute des Bleuets, comment vous faites pour mesurer ça? Donc, l'estimation qu'on fait est basée sur des éco-compteurs. Donc, on a 6 éco-compteurs qui sont situés dans les 3 MRC le long du circuit, okay, autour de la Véloroute des Bleuets. C'est un peu comme des capteurs de chasse, là, c'est le même principe, là, avec des cellules photoélectriques qui comptent donc l'ensemble de nos utilisateurs. À ça, on ajoute des enquêtes qui sont faites. On a des étudiants, on a 4 étudiants qui sont engagés pendant tout l'été pour faire des enquêtes auprès des utilisateurs. Ça nous permet de dire, bon, ben, si ce sont des utilisateurs locaux, si c'est des gens qui viennent du Saguenay ou si c'est des gens qui viennent d'ailleurs, puis quelles sont leurs durées de séjour, si on est capable de dire de cette manière-là si ce sont des marcheurs, des cyclistes ou des patineurs à roues alignées ou des personnes à mobilité. OK, OK. Donc, le budget est combien de Véloroute des Bleuets? Parce que, bon, les clubs, je me compare toujours avec les clubs de golf, puis les clubs de golf, ils ont beaucoup de dépenses, ils ont des budgets, mais la Véloroute des Bleuets, c'est combien de dépenses, le budget? Ben, en fait, il faudrait comptabiliser 2 budgets différents, okay, à la Véloroute des Bleuets. Il y a ceux de la corporation, il y a ceux de l'entretien du circuit, ouais, qui sont utilisés par les municipalités. Donc, normalement, entretenir le circuit, c'est un budget de 400 000 $, puis la corporation, c'est 400 000 $ aussi, à peu près. Donc, entre 800 000 et 1 million, là, bon an, mal an, par année, c'est ça le budget total lié à la Véloroute des Bleuets. OK, OK. Bon, néanmoins, j'imagine que c'est quand même pas si dramatique que ça, cette baisse de chalandage-là. Non, on atteint quand même nos objectifs. On se fixe un objectif annuel de 200 000 utilisateurs. Okay. À partir de ce moment-là, on est satisfait. Donc, on finit avec 228 000. C'est quand même pas une année dramatique. Ce qui a été plus difficile cette année, c'est l'abolition du programme d'entretien de la route verte par le gouvernement provincial, parce que ça a eu des répercussions économiques importantes. Je parlais tout à l'heure de 400 000 $ par année de coûts d'entretien de la Véloroute des Bleuets. Ben, il y a 200 000 $ qui normalement proviennent du gouvernement provincial qu'on n'a pas reçu cette année. Et au même titre que toutes les autres réseaux cyclables du Québec d'ailleurs. Alors on a puisé dans notre surplus accumulé qu'on avait suite à une bonne gestion des dernières années pour pouvoir pallier en 2015, mais on espère que d'ici 2016 ou plus tard 2017, ça va se rétablir parce que la pérennité du circuit est importante, puis la qualité qu'on veut offrir aux utilisateurs. Est-ce que la Véloroute des Bleuets a quand même des subventions du gouvernement par la ministre du Tourisme? J'imagine que oui. Non, on ne touche aucune subvention du gouvernement provincial autre que celle liée à l'entretien, donc comme les autres, tous les autres circuits qui font partie de la route verte. Là-dessus, y a-t-il eu des petites coupures sur les petites subventions que vous avez eues pour l'entretien? Est-ce que vous avez été coupé? Non? Ben, c'est une grosse coupure. C'est une coupure de 100% de la subvention qu'on avait pour faire l'entretien. Donc, c'est 200 000 $ qu'on avait par année pour distribuer aux municipalités en fonction de leur nombre de kilomètres. Puis le tout a été coupé. OK. David, puisque je t'ai, il y a une traversée, il y a la traversée du lac Saint-Jean que tout le monde connaît, mais il y a une autre traversée en hiver, la traversée en vélo, en mountain bike, qui est vraiment rendue une mode, le mountain bike. C'est un genre de gros vélo qui ressemble à un bicycle de montagne avec de très gros pneus. C'était, je ne m'abuse, la troisième édition l'an passé. Cette année, c'est la quatrième édition. Actuellement, c'est toujours au mois de février. Donc, j'imagine qu'au mois de février, vous êtes en train de préparer déjà cette quatrième édition ou cinquième. À quoi ça s'enligne? Comment ça s'enligne? Ben, en fait, la traversée du lac Saint-Jean à vélo, donc ça se réalise en fat bike, c'est des pneus des vélos à gros pneus, là. C'est la troisième édition en 2016 qui aura lieu, et pour la première fois, on va devenir un festival international de fat bike parce que ça va se tenir sur trois jours. Donc le vendredi 26 février, il y aura des activités d'initiation au fat bike qui se dérouleront à Péribonquin. Le samedi 27 février, il y aura la grande traversée, donc 32 km de Péribonquin à Roberval, mais il y aura aussi la traversée populaire. C'est un 10 km qui se déroulera dans la zone de Péribonquin entre le village et la pointe d'Aillon. Donc pour permettre à un maximum de monde de s'initier à ce sport-là, qui est le fat bike. Puis le dimanche, on finit avec une randonnée boréale et plusieurs animations fat bike au centre de ski Toboski à Saint-Félicien pour pouvoir, découvrir les sentiers qui sont réservés aux fat bike puis qui sont très bien développés par le club Vélo 2 Max. Est-ce que ça s'en vient populaire? Parce que cette traversée-là, j'imagine, pour le recrutement, vous devez déjà avoir commencé votre recrutement. Est-ce que ça devient populaire de ce côté-là, du côté des athlètes qui vont traverser le lac Saint-Jean le 27 février? C'est extrêmement populaire. On a ouvert le site Internet le 24 juillet à l'occasion à la veille de la traversée à la nage. Et un mois plus tard, on était déjà complet en ce qui concerne les inscriptions pour le Québec à la grande traversée, parce qu'on limite, pour des questions de sécurité, on limite le nombre d'inscriptions et on le répartit par pays. Donc, il y a des quotas par pays qui sont imposés pour s'assurer qu'il reste des places pour nos coureurs internationaux qui viennent de l'Europe ou des États-Unis ou d'Amérique du Sud. Donc, on a présentement déjà plus de 75, je pense plus de 80 même, concurrents inscrits à la grande traversée, déjà de plusieurs pays du monde. Puis toute l'information, puis vous pouvez découvrir tous les concurrents également sur notre site internet. C'est simple comme nom, c'est vélosurlac.com. Hey, ça devient de plus en plus populaire. Est-ce que ça a du potentiel, David? Est-ce que tu vois un potentiel certain? Parce que là, le fight bike, moi, j'ai l'impression que ça va devenir très, très populaire. Mais est-ce que, bon, j'imagine, t'as seulement la troisième édition, là, tu parles d'un festival international. Est-ce que donc, c'est une progression, mais j'imagine que ça peut encore grossir après cette année? Oui, ben là, l'objectif pour pouvoir assurer la croissance de ces événements-là puis de cette activité, c'est de montrer aux gens que, un, c'est le fun, deux, c'est accessible et au maximum de personnes. C'est pour ça que lors de la traversée, on fait un festival qui permettra aux gens de s'initier au fat bike, que ce soit sur la randonnée populaire ou la randonnée boréale, ou aussi sur des petits circuits qui seront installés au club Toboski le dimanche, mais au village Chugnoff de Roberval aussi le samedi. Donc dans les zones d'arrivée, en entendant les coureurs, puis en regardant les coureurs arriver les uns après les autres, ben les gens pourront aussi participer à leur manière sur un petit circuit, puis essayer ces gros vélos qui sont bien sympathiques, puis qui sont faciles d'accès. Ben, c'est 1300$, je pense, un vélo, hein, c'est ça? Oh, il y en a à tous les prix. Okay. Ça commence à 1 000$, puis ça va jusqu'à, il n'y a pas de limite, là, 15 000$. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même avant d'en acheter, il y a plusieurs endroits, que ce soit au Domiski à Dolbeau, au Toboski à Saint-Félicien, à Damanterre à Allemand, à Héberville au Mont-Lac-Vert, qui louent des vélos pour permettre à la grande population d'essayer ce sport. Ben David, félicitations, on va se reparler sûrement durant l'année, donc 26 février, premier festival international du fight bike, c'est ça? Ça va avoir lieu à Péribonquin. Bravo, puis on va se reparler sûrement d'ici à ce temps-là. Merci beaucoup. Voilà, donc le directeur de la corporation de la Ville-Route des Bleuets, David Lecoing.